Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. On apprendra des choses dans le segment éducatif, c'est un fait. On établira une liste sur un sujet précis dans son foutu palmarès et on devinera le lien entre trois pièces dans le quiz. Écoutons la chanson. Assemblage requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 17 mars 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Excuse-moi, JP. Excuse-moi, tous les autres avec qui je coanime prennent l'autre micro d'habitude. Donc c'est rendu un réflexe. Sinon, ça va? Oui, oui. Hey, passe une belle fin de semaine. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. JP, pour les intimes. Ouais. Pour les parties intimes, on appelle ton engin JP. Ouais, chaque boule a un J, puis l'autre a un trait d'union, puis l'autre a un P. C'est J et P. Et voilà. J et P. Donc, bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces attachées. Aujourd'hui, à l'émission, on n'a absolument, absolument rien. À rien d'intéressant, sauf des chroniques de moi. Ah. Donc, on va faire avec. Moi, j'aime ça. Mais merci, Caroline. Ouais. Moi, je vais me faire aller les muscles. Ouais. J'ai peut-être même quelque chose pour toi un peu plus tard. Arrête donc. Ah, peut-être. Arrête donc. Donc, on va faire aujourd'hui son foutu palmarès. Ah, où on établit une liste sur des sujets précis. Aujourd'hui, dans son foutu palmarès, j'ai le top des choses qu'on ne sait pas sur la Saint-Patrick. OK. Qui est aujourd'hui, bien sûr. Alors, on a des secrets de productivité de la part d'écrivains prolifiques. Comment ils faisaient pour écrire de façon aussi prolifique? L'acide. L'acide. À ne pas confondre avec le film pour enfants, l'acide. L'acide. L'acide. Oui! Ouais, tiré par les poils, un peu. Oui. L'histoire, l'historique derrière Lucky Charms, tu sais, les Leprechauns, ça vient d'Irlande, pas mal cette affaire-là, donc ça reste dans la thématique de la Saint-Patrick. Sinon, on va aussi avoir écoutons la chanson. Je vais te proposer un bloc composé de trois pièces et tu vas devoir deviner le lien qui les rattache, le rassemble. Je vais essayer. Ça va être encore une fois difficile, comme toujours. Et on va débuter l'émission, bien sûr, avec C'est un fait. Oh. Comme on le fait les lundis habituellement. Comme on aime tant. Voilà, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui reviennent pas, il y a des gens qui arrêtent de nous voir. Ouais, mais oui. Nous, on continue dans le même ordre. On est là. Voilà. Alors, on va débuter avec une pièce du palmarès francophone. Voici une nouvelle entrée de Dog Wave. Jambes de chien. Ça, c'est fou. 89 FM. Bon matin, bon début de semaine, bonne mi-mars. Ben oui, si on veut. Ça, c'est comme quand tu manges la barre de chocolat. T'es rendu à moitié. Bonne mi-mars. Animaux dans Doug Wave et jambes de chien. Ouais. Ah, deux. Comment? Deux jambes? On l'a dit en même temps. En même temps. Ouais, mais un chien, ça a quatre pattes. Oh. Mais est-ce que ça compte comme des mains et des jambes, tu penses, les membres des chiens? Moi, je pense qu'on doit garder ça séparé. C'est ça. Moi, ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ce qui nous amène à des choses vraies comme ça, parce que c'est vrai, tu sais. C'est vrai. Il faut séparer les membres. Donc voici, c'est un fait. Écartille tes membres. C'est pas King Sexitaire. Non, pourtant. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Oui. Selon Internet, encore une fois, comme la semaine passée, je l'avais expliqué, maintenant, on essaie de choisir des sources plus sûres. Oui. Donc, fais un petit ménage dans les sources. Commençons avec le fait que les éléphants sont capables de différencier les langages des gens qui parlent autour d'eux. Donc, de leur maître. Ils différencient les langages. Intéressant. Brillant. Les trois fondateurs de YouTube, Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim, travaillaient pour PayPal quand ils ont démarré à lancer YouTube. OK. Des employés de chez PayPal. Mmh. Sur les heures de break. Sûrement. tiens, on va y aller avec du 1000 à l'heure MPH. Qu'est-ce que ça veut dire en kilomètres? Donc, on va y aller avec 37 km/h pour les Hawkins. T'as un peu MPH. De la misère à taper en même temps que je parle. donc, on va parler de coccinelles. T'sais, les coccinelles qui peuvent voyager à la vitesse de 37 000 à l'heure, ce qui est presque aussi rapide qu'un cheval de course et peut avancer pendant 74 000 sans arrêter. Intéressant. Ça fait 59,55 km le 37 km heure. Incroyable. 1000 à l'heure. Ouais, c'est rapide. Coccinelles. Les astronomes ont conclu que le centre de la Voie lactée goûte les framboises et sent le rhum. Ah. Selon leur recherche. Oui. Ben oui. Drink. Ben, que, tu pourras jamais le savoir parce que si t'enlèves ta combinaison, tu meurs. Tu meurs. J'aime ton accent. Si tu es une vache, je te comprendrais. Tu meurs. les gens rient 50% plus lorsqu'ils... dans le fond, pendant... Attends un peu, j'essaie de la comprendre un peu. Je suis pas réveillé à cette heure-là, partout le lundi matin. Donc, les gens rient 50% plus souvent quand ils parlent que lorsque quelqu'un d'autre parle. Donc, quand moi, je parle, mettons, je vais rire plus de mes propres blagues que celles des autres. Mais c'est normal, toi, t'en comprends. C'est ça, mon cerveau marche tellement rapidement, sauf le lundi matin, en début d'émission. Ensuite, les balles de tennis peuvent voyager à 105,6 000 à l'heure. 105 000 à l'heure en kilomètres, ça nous donne, attention, 168,98 km/h, les balles de tennis. Ouais. J'ai déjà vu des services, ça doit être en échange, parce qu'un service, il me semble, j'en ai déjà vu à 200 km/h. C'est un service à 5 assiettes, je pense. Oui. C'est servi non. Sur un plateau d'argent. Ouais, mais là, j'y allais sur la table, tu sais, tennis table. Oui, ping-pong. Oui. Ouais. Disney, on devrait faire cet effet plus tard, l'émission lundi. Ouais. OK, la prochaine fois. Parfait. On le fait midi. C'est ça, la première demi-heure, on fait jouer de la musique. Puis... Disney a été poursuivi pour diffamation. Parce qu'ils ont montré les hyènes, l'animal, d'une mauvaise façon. Le roi lion, ils se sont fait poursuivre pour diffamation. Je sais pas si c'était par les hyènes elles-mêmes. L'association des hyènes anonymes. C'est ça, hyènes anonymes. Ensuite, à cause de la popularité de Davy Jones dans le groupe de musique Les Monkees, un autre chanteur britannique nommé David Jones a dû changer son nom et c'est devenu David Bowie. Oh! David Jones, David Bowie, pas nécessairement le même calibre. Ouais, ou c'est à cause de Pirates des Caraïbes. c'est pas c'est le méchant, David Jones. Ah! Tu vois, je rajoute un fait à ton fait. C'est quand même poussé pas mal, je trouve. Dans un dépotoir, d'accord, donc l'aluminium va prendre 500 ans à se dégrader, à se défaire. Le plastique va prendre 1000 ans et la vitre va en prendre 1 million d'années. Wow. 1 million d'années. Donc, réutilisez vos contenants. On revient en musique. Les Beach Boys voulaient s'appeler au départ les Pendletons. P-E-N-D-L-E-T-O-N-S. OK. Pendletons. On dirait l'ours. Paddington? Oui! Avec son imperméable jaune. Oui, exactement. Ah, ça, c'est cute. Ou un magasin de linge, Paddington, ça, je pense. Hein, oui, aussi. Lorsqu'elle est lancée, une balle moyenne de la Ligue majeure de baseball va tourner 15 fois avant de se faire frapper. OK. En moyenne, 15 fois. Hmm. C'est bien. Si tu dis tourne ta langue 7 fois avant de parler, tourne ta balle 15 fois. Avant de la frapper. Ben voilà. Alfred Hitchcock a acheté les droits du roman Psycho, Psychose, et a acheté toutes les copies du livre pour garder la fin secrète. No! Avant de faire son film Psychose. OK. Pas pire. Ouais, mais ça doit être long, faire le tour des librairies. T'sais. Ouais. Mm. Et l'argent que ça coûte. Ben oui. Tu t'es recherché. Ben, t'y revends après. Ben oui, c'est ça. Après la sortie du film, ben oui. Capitaliser sur le film. Bien sûr. Le nom César vient du latin Césaris, qui veut dire une belle tête de cheveux, alors que pourtant César était chaud. Oh, ouais. Oh, ben alors. Puis il n'y avait pas des croutons puis des petites miettes de bacon. Ah, miam. Miam. La ligne qu'on connaît tous d'Alfred Hitchcock, tu sais, on voyait tout le temps son portrait, le contour de son corps au début de ses émissions de télé, j'entends, à Alfred Hitchcock. Ce profil-là, cette ligne-là, a été dessinée par Alfred Hitchcock lui-même. Mmh, en personne. Que de talent. Oui. Les chevaux et les ânes sont dans différentes espèces. Bref. Donc, pour faire ce qu'on appelle une mule, un cheval et un âne doivent s'agencer et se procréer. C'est ça, une mule. Pour créer une mule. Ah, il y a eu erreur sur la personne au début. Oh, ben. Il a fait match mule. Ah. Ça avait aucun rapport dans la phrase. Je sais pas si ces balles ont tourné 15 fois avant. Ah, non, là, ça n'a plus rapport. Le graffiti, le plus vieux graffiti qui survit encore aujourd'hui, en fait, qu'on connaît, qui est le plus vieux, là. Le plus vieux graffiti, OK? Ouais. C'était en Grèce. Le plus vieux graffiti que tu disais au début. Le plus graffiti. Genre, oui. C'est ça faisait la même chose. C'est une publicité pour un bordel en Grèce, nous dit-on, en Grèce antique. Burt Reynolds a été choisi pour jouer le rôle de Han Solo dans Star Wars, mais a abandonné avant qu'on commence à filmer le film. OK. Burt Reynolds, t'imagines? Ben oui. Seulement un Américain sur cinq, un adulte Américain sur cinq n'utilise pas Internet. Ouais. Ouais, ça te semble. Ouais, non. 20%. Ben, je trouve ça beaucoup, moi. Voilà. Alors, on estime qu'il y a environ 18 000 espèces de papillons dans le monde. 18 000 espèces. Ouais. Espèces de toi. Hey, papillons. Papillons. Michael Jordan a déjà été un des meilleurs lanceurs en Caroline du Nord, au secondaire, donc lanceur de baseball, Michael Jordan. OK. Pour vrai? Il grossit ses... On le connaît pour le basket. Ben oui, il grossit ses balles. Oui. Ah! C'est le dopage. Enlarge your balls. T'as pas dit? Ben oui. Il a ouvert un courriel. Au secondaire, Michael Jordan, c'est réaliste. En 1990, 5,3 millions d'Américains étaient propriétaires de téléphones cellulaires. 5,3 en 90. En 2010, on était rendu à 302,9 millions. Mm-hmm. Mm-hmm. L'urine, nous dit-on, était un des ingrédients clés de la poudre à fusil. OK. À la base, l'urine. C'est vrai, ça? L'urine. Ah ben. Oui. Le fait qu'un chat est capable de voir très bien la nuit, c'est à cause de ce qu'on appelle son tapetum, T-A-P-E-T-U-M, tapetum. C'est une membrane qui reflète la lumière visible. Ça la renvoie à partir de la rétine du chat. Donc, ça réfléchit la lumière. Mm-hmm. Donc, il est capable de voir dans le noir. Ça s'appelle tapetum. Tapetum. C'est pas une tapenade de l'île. Non. Ou tapetum, voilà les Dalton. Aïe, aïe. Moi, tu sais, pour être allumé de même à cette heure-là, je sais café, pas. Café, je pense. Oui. Mes deux gorgées de café. ils te vont très, très bien. Ils te vont merveilleux. Une flash mob. Oui. Flash mob, c'est tout le monde se met à danser. C'était à la mode il y a 2013. À peu près, c'est ça. Il y avait une télé-réalité là-dessus. Tout. Ah ouais? Ouais, avec Howie Mandel. Mais. Howie Mandel. Donc, flash mob, un thème qui a été utilisé pour la première fois en 1832. C'était un groupe de criminels de bas étage. Okay. Un flash mob. Ah ben. Chatouiller son intérieur. Tickle one's innards. C'était du slang à l'époque victorienne pour quelqu'un qui buvait. Donc, tu chatouillais ton intérieur. Tu bois de l'alcool, ça chatouille ton intérieur. Ça aurait pu être pris à un degré plus bas. Chatouiller ton intérieur. C'est l'intérieur. Ouais, les murs du... Ouais. Oui. Ouais. Ouais, je pense qu'on va arrêter là pour l'instant. On va revenir tantôt. OK. Avec plus de frais. On va se reposer un peu. J'ai trouvé ça hardcore pas mal comme blague, ça. C'était pas mal 3X pour le matin, ça. Mm-hmm. On s'en va entendre une nouvelle entrée du côté anglophone. Voici Ballader et Pretty Face, parce que t'as une belle face. Oh, merci. Oui. Un petit château d'intérieur. De ta face. Wow! Avec un couteau. Non, oh, wow! Je t'ai rendu criminel pas mal. Oui. Ouais. Flash mob, toi. Preface, Ballader, Assemblage Rocky. On était dans C'est un fait. Oui. Oui. On est en train de jaser de choses intéressantes qui ont eu lieu dans la vie. Qui sont vraies. Qui sont vraies. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit selon Internet. Les liens sont sur assemblagerocky.com en passant pour ceux qui veulent aller voir les sources. Pierce Brosnan, l'acteur qui jouait James Bond. Oui. A appris à manger le feu, cracher le feu, tu sais, comme les gens font dans les cirques. Et il a travaillé lui-même dans un cirque pendant plusieurs années. OK. Pierce Brosnan, on l'imagine pas comme ça, mais... avec son petit habit. Ah oui, c'est pas pour rien qu'il est James Bond, là. Il sait tout faire. Ah oui. Voilà. Ça peut lui sauver la vie. Tu sais. Les pans mâles, l'animal, le pan, d'accord, va faire de faux... Ben, on fait pas de faux sons, parce que c'est des vrais sons, ça sort de quelque part. Ouais. Mais des vrais faux sons de sexe. Pour tromper les femelles, pour qu'elles pensent qu'ils sont plus sexuellement actifs qu'ils le sont vraiment. Ah! T'sais? Ben c'est oui. C'est comme toi, t'es célibataire. T'es... C'est comme ça que tu fais ça, toi? Ouais. Wow! Je voudrais pas être ton voisin, soudainement. C'est pour ça que je suis seul dans mon bureau. C'est pour ça que t'es au fond du corridor le plus loin possible de nous tous. Oui. T'as un mur de briques pour empêcher le son. Empêcher ça. L'Atari Portfolio est sorti en 1989. C'était le premier ordinateur de poche. Deux ans plus tard, il est apparu dans le film Terminator 2. C'était donc le Atari Portfolio, tout petit ordinateur. On appelle ça un palm top computer, donc un ordinateur de main. Oui! Hey! Justement, parlant de ça... Parlant de ma main. Oui, non. J'en ai retrouvé un chez nous. On avait ça à la maison quand j'étais plus jeune. Un petit palm. Mais c'était celui de Sony. Ah, c'était cute, hein? Un Clio, oh oui, ça c'était bizarre. Ouais. Je me rappelle, j'en voulais un affaire comme ça. Moi, c'était effectivement assez étrange. J'aurais eu deux contacts sûrement. Ouais. Pour de vrai, ça servait pas à grand chose. Tu pouvais prendre les numéros de téléphone en note, des mémos. Puis regarder des photos que tu avais prises avec l'appareil photo Sony. OK, quand même. OK, là, t'es plus récent quand même que moi. Moi, dans le temps, il n'y a pas de photos, là. C'était du noir et blanc, là. C'était du noir et blanc vintage, là. Ah non, c'est ça. Ouais. Non, tu pouvais... ouais, je pense que c'était couleur. Je me souviens même plus de si l'écran était couleur ou pas. T'es plus jeune que moi, puis tu te penses vieux avec tes souvenirs. Ah ouais, c'est ça. Je fais la même chose, puis quelqu'un d'autre écoute, puis se sent vieux. Puis tu sais, c'est comme un enchaînement de vieillesse. Il y en a d'autres dont c'est leur anniversaire. Ouais, tu sais, eux autres, j'ai aucun respect pour ces gens-là. À part Saint-Patrick, mon saint préféré. Oh. My favorite booby! C'est celui d'un homme, Patrick. Le mot du jour, ça t'aime ça? Oui. Natiforme, qu'est-ce que ça veut dire, natiforme? Natiforme, forme. Forme? Oui, ça commence très bien. Donc, nati, c'est la forme que t'avais, la forme du fœtus. Quand tu te mets en petite boule, puis tu fais comme... T'es en natiforme. T'es en natiforme. C'est comme la. Oui, c'est natif. Je veux dire que non. Natif. Mais ça a du sens natif. J'avoue que tu avais une piste. Mais non, c'est en forme de fessier, de fesses. Ah. De derrière, natiforme en forme de derrière. Ça dépend juste du point de vue. Là. Si tu te mets en petite boule à la forme du fœtus, puis tu regardes les foufounes, ben, c'est sûr que c'est en forme de fesses. OK, on n'a pas tous les mêmes fesses, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça. Les mêmes fesses. On n'a pas toutes les mêmes fesses. Donc, c'est quelle fesse qui est natiforme? C'est ça, là. Ah, la bonne question. Les ornithorynques vont localiser leur proie, en partie en détectant les champs électriques. Donc, électromagnétiques, électriques, bref. Générés par les contractions musculaires. OK. Donc, ça produit un champ électrique. Wow. Puis, ils voient ça d'une certaine distance. Incroyable. Ouais, c'est le fun, hein? Ben t'aimerais oui. Ça pouvoir détecter des fesses par leur mouvement. Ah, ben oui. Par leur champ électrique. Oh. Les chercheurs ont passé 6 mois à lire 33 326 statuts Facebook pour trouver des blagues sur les docteurs. OK. Des blagues de docteurs. Ils en ont trouvé 263. C'est beaucoup de recherches pour... Belle perte de temps! Oui, quand même. Ouais. Puis, ils devaient tout être dans un petit livre, comme quand on était jeune. Là, je fais plein de références quand on était jeune. Tu sais, les mille et une blagues les plus drôles. Oui. Puis, c'est pas si drôle. Volume genre, 2, blague de docteur. Toc, toc, toc. À entrée. Non. Qui est là? Oui. Yves. Yves qui? Yves va neiger ce soir. Oh, wow! Ça existait des blagues toc, toc? Oui. Je savais pas. Je pense que c'était juste aux États-Unis, ça. J'ai jamais entendu de blagues toc, toc au Québec de ma vie. Ah. J'en ai une autre, mais je m'en souviens plus. Hey, bonne celle-là, oui. Oui, elle est assez bonne. Elle me fait rire tout le temps. Ah. Ah, c'est de valeur que je puisse pas te la dire. T'as encore tout le temps que tu veux. OK, je réfléchis à ça. Ouais. En dessous de ça, tiens. Le plus long trou, dans le fond, la plus longue distance vers un trou de golf, d'accord, au monde, c'est le 7e trou. C'est un par 7. Par 7, ça veut dire que ça prend en moyenne 7 fois. Pour la normale. Pour la normale, c'est ça. C'est au Sano Course. Du Satsuki Golf Club au Japon. Ça mesure 909 verges de long, 909 yards. On va y aller en kilomètres, encore une fois, pour convertir ça. Avant, ça marchait très bien sur Google, il me semble, trouver des conversions. Ça allait super bien, je tapais, puis ça me prenait 3 secondes. 0,83. OK. Kilomètres. C'est parce qu'il faut écrire yards et non pas yards. Ah, GKRS. Ça doit être pour ça que ça allait mieux avant quand je l'écrivais correctement. À la Coupe Walker de 1932, Walker Cup. Walker Cup, tu sais, évidemment, c'est en quel sport, ça, la Walker Cup? Hein? Walker Cup, ça doit être la nage synchronisée. Non, c'est du golf. Comment? Walker Cup? Walker. Ah, Walker. Walker Cup. OK. Ouais. En 1932, Leonard Crawley a frappé sa balle du mauvais sens. Il a frappé sa balle et il a fait une puck dans le trophée de la Walker Cup. Ah! Tain, toi! Tain! Dans les dents. Ils vont se souvenir de moi. Mon nom sera peut-être pas dessus, mais moi, je vais faire une puck. Ce sera poc-tu. Poc-tu. Ah, wow! La poc-tu. Oui, elle était bonne, Mathieu. La poc-tu. Elle était très bonne. Merci. Ça y est, t'es parti. Tu penses? Ouais. Hey, Colin, laisse-moi te montrer le contraire. Une étude en 2007 nous a appris que les gens qui essayaient d'arrêter de penser au chocolat finissaient par en manger plus que ceux qui n'essayaient pas d'arrêter de penser au chocolat. C'est ça. Faut j'arrête de penser au chocolat. Oh, du chocolat! C'est ça que ça donne. Cathy Whitworth. Elle a un nom difficile à prononcer parce qu'il y a beaucoup trop de TH. Quand même. Cathy Whitworth. a gagné 88 tournois professionnels dans sa carrière, plus que n'importe quel autre golfeur ou golfeuse dans l'histoire, qu'il soit homme ou femme. 88 tournois professionnels. On la félicite. Bravo. Autre... Bravo, il n'y a personne qui te connaissait. Non, mais tu sais, pour de vrai, il me semble que j'ai jamais entendu parler d'elle. Cathy Woodworth. Avec un nom comme ça, il me semble. Mais... Ça rêve. C'est ça, elle a une certaine valeur, avec valeur. Woodworth. Valeur ajoutée. Plus value. Le mot du jour encore. Mumpsimus. Mumpsimus. M-U-M-P-S-I-M-U-S. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que j'ai envie de faire, c'est des jokes de sinus. Okay. Genre, whoop, sinus. Whoop, ça c'est quand t'éternues. Oui, mais c'est de la morphe partout. Ouais, bon, c'était pas mal ça. Mais sinon, dans un registre plus sérieux, non, je sais pas. Non, je sais pas. Sinus. Elle est difficile, celle-là. Ouais. Simus. Donc, c'est quelqu'un qui garde tout le temps ses anciennes façons de faire, même si on leur prouve que, Colin, il y a une nouvelle façon qui est plus utile, plus. Qui vaut plus la peine, il va rester à ses anciennes façons de faire. Tu sais, comme on dit, on peut pas enseigner à un vieux chien de nouveaux trucs. Oui. Voilà. Bon, c'est celui qui fait encore ses photos en noir et blanc, là. C'est ça. Ouais. Avec un flash, là. Plein de poudre. Voilà pour cette portion, c'est un fait. Aujourd'hui, on a absolument rien à foutre, donc on va faire une autre partie de fait tantôt. Yay! Yeah! Pourquoi pas, on a rien mieux à faire. Mais pour l'instant, une petite pause. On revient dans 2 minutes. T'as son achat qui reste là. Vous êtes dans la zone 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Voilà, on est réveillé, on vous réveille à la maison, on vous prend par les joues. Hein? Oui! Je les ai fait à la maison, les petits requins sont réveillés dorénavant. Ben oui. Ben oui. Ils nous suivent tous. Ils font nos mêmes mouvements de tête dans leur voiture, comme ça. Donc, bon retour à Assemblage requis. On est le lundi 17 mars 2014. Et Jean-Philippe Charbonneau. Et il est Mathieu Plante. Dans quelques minutes, tantôt, on va voir écoutons dans la chanson. Oui. Son foutu palmarès. Oui. Une dernière partie de C'est un fait. Oui. Mais avant ça, en musique, voici Marc-Antoine Larche. Les courants d'air. Il y a plus qu'une corde à son arche, lui. Bon. Je continue de faire du vent. Moi, pendant ça, je fais du tir à l'arc. Deux effets sonores de différents genres. Incroyable, hein? Ouais. Une équipe. On est une équipe. Est trop grand, toi d'un côté, moi de l'autre. Une falaise entre nous. Chaque étreinte est un risque de chute. Et c'est moi qui va tomber. Je ne dors pas, la nuit va se réveiller. Trop d'espace, écho du malaise. Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Les courants d'air de Marc-Antoine Lenarche, on dirait une chanson qui bug. Oui. J'aime ça. C'est cool comme style, les courants d'air, Marc-Antoine Lenarche. Toujours à Assemblage Requis, Jean-Philippe, tu m'as parlé d'un jeu vidéo qui s'en vient bientôt et qui t'excite pas mal. Oui, ben en fait, moi, faut pas que ce soit trop compliqué, okay. Les jeux vidéo. Fait que je sais pas si je vais aimer ça, mais il va falloir que je l'essaye. Une fois que t'auras fini Mario Bros 1. Oui, ben c'est ça, moi, sinon c'est trop compliqué. ben je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais oui, comme, oui. Ouais. Trop d'objectifs à faire, tu sais pas trop où tu t'en vas. Faut ouais, ben comme, les instructions claires. Splinter Cell. Tu sais, t'as toujours plein de choses, plein de gadgets, puis là, il faut tout le temps que tu fasses pause quasiment pour aller chercher ton truc. Moi, c'est un petit peu trop compliqué pour moi. Pour mon comme... petit cerveau. Ben oui, c'est non, ça. Je te comprends. Mais j'ai hâte de voir, c'est fluide. Mais c'est Watch Dogs. Ouais. De Ubisoft, qui devrait sortir bientôt, hein, je pense. Ben, ça arrête pas d'être repoussé sans cesse, ce jeu-là. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais c'est ça. Avec tout ce que le jeu a l'air d'avoir comme potentiel, je peux peut-être comprendre qu'ils veulent éliminer les bugs. Hein, une fois que tu l'achètes, que t'es pas à le racheter. Mm-hmm. Et c'est bien beau les mises à jour sur Internet, à un moment donné. Non, je pense que c'est une bonne chose que les jeux soient repoussés. C'est pour faire de meilleurs jeux. Si on retourne en arrière un petit peu, au 28 novembre dernier, vous avez peut-être vu passer ça sur Facebook à l'époque, mais je vous en reparle là parce que ça m'a amené sur ce sujet-là sur YouTube, c'est que la compagnie Ubisoft a acheté des spots publicitaires intégrés à des émissions le 28 novembre dernier. Donc, sur, entre autres, RDS et TSN, ils ont fait semblant de hacker la programmation. Oui. C'était vraiment cool. Donc, on va écouter un petit extrait de ce qui s'est passé à TSN pour commencer. Donc là, on voit le logo d'Ubisoft. C'est quand ils l'ont mis sur Internet après. Nous sommes... c'est LulzSec, ça? C'est, comment ça s'appelle? DeadSec, voilà. Secret Society of Hackers. Société secrète de hackers. Le 28 novembre dernier, avec votre aide, nous avons hacké l'émission Off the Record sur TSN. Voici les résultats. The NHL season is well underway, and even though it's early, there have been a few surprises. In the Eastern Conference, we have... Les lumières baissent dans le studio. La télé bug derrière. Apparemment, on a des problèmes techniques et on revient tout de suite. Join us and together we will prove that the real power sits with the people. Download Watch Dogs Live for free and take control of your city. Further messages will follow. Et là, on nous montre l'application pour téléphone cellulaire. Ils ont fait la même chose sur RDS et je trouve que c'est encore plus réussi sur RDS. Nous sommes DeadSec. Une communauté secrète de pirates. Le 28 novembre 2013, nous avons avec votre aide piraté l'émission Le 5 à 7 en direct sur RDS. Voici le résultat de nos actions. C'est le moment de vous présenter la chronique séparée à la naissance. Et ça, mon cher Yannick, c'est toujours une chronique de tellement de... que ta voix sonne drôle, toi, hein? Que j'ai des petits problèmes de son. On continue. Juste un moment, je pense qu'on t'entend pas, mon cher Frédéric. Tu vas prendre mon microphone. C'est bien gentil. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a peut-être uniquement une peau de lunettes où les deux ne se ressemblent pas. Mais c'est vraiment plus réussi en français, je trouve. Quand même, est-ce que ça fonctionne? Moi, je pense que c'est un échec total. Non, les deux se ressemblent pas. Est-ce que se passe-t-il, là? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'opposer à ce qu'on fasse séparer la naissance? Est-ce qu'on est envahi, hein? Moi, je me rends jusqu'au bout. Bravo à notre producteur, Siri. Joignez-vous à nous et ensemble, nous leur prouverons que le pouvoir nous appartient. Télécharger c'est vraiment très, très bon. Je trouve, on dirait que, premièrement, c'était le fun de voir un vrai contenu dans le 5 à 7 de RDS, parce que séparé à la naissance, on s'entend que c'est pas du gros contenu. Mais c'est du contenu publicitaire, et nous, on répète ça encore une fois. C'est pas nouveau, c'était le 28 novembre dernier, on en a parlé, je crois même, à l'époque, mais oui. C'est cool. Oui. Je suis pas sûr d'en avoir parlé, je pense que ça avait tellement fait le tour que j'avais décidé de pas en parler. Ah, peut-être, mais là, comme, tu sais, ça redevient underground. C'est tellement vieux que ça revient dans le présent, même ça. Donc, Watch Dogs qui s'en vient dans les prochains jours. Est-ce qu'on a la date exacte de sortie depuis que ça a changé maintes et maintes fois? Non, la seule chose que j'ai vue, c'est que le report de cette... De la sortie, Ubisoft a confirmé l'ajout de matériel en plus. OK. Donc, pas juste corriger des bugs, j'imagine, ils ont dû dire « Ah! On va leur en donner plus. Mm-hmm. » On va leur faire croire qu'on leur en donne plus. Exact. Je sais pas. Il y a une stratégie derrière tout ça. si on se fie à Wikipédia, la date de sortie mondiale est le 27 mai prochain. OK. Et puis, il y a une version sur Wii U qui s'en vient aussi, mais celle-là est remise à plus tard. D'accord. Donc, Watch Dogs de Ubisoft. Allez vous renseigner là-dessus, c'est vraiment cool. On a hâte. Ensuite, ben tiens, ça nous ramène... Ça nous ramène à apprendre des choses parce qu'on n'apprend jamais assez. Mmh. On a tout le temps du monde pour apprendre le plus de choses possible aujourd'hui. Oui. Donc, revoici, c'est un fait. Mmh. On s'en rendra jamais de l'intro. Assez pour la mettre deux fois. Pour ceux qui nous écoutent ailleurs que lundi, peut-être que vous ne réentendrez pas la première partie. On ne sait pas. Peut-être. On ne sait pas. Peut-être que j'ai trouvé qu'elle n'était pas assez bonne pour la remettre. Donc, commençons avec le fait que 71% des baby boomers et 59% des personnes âgées utilisent un site de réseau social à tous les jours. OK. 71% des baby boomers. Ouais. C'est pas mal. Oui, pour voir ce que leurs enfants font. Oui, mais les personnes âgées à 59%, c'est plus élevé que j'aurais pensé. Pour pouvoir prendre contact avec leurs petits-enfants. Voilà. Quel est le numéro un des réseaux sociaux sur, pour les personnes d'un certain âge? Tinder. Tinder? Grindr et tous les autres c'est vraiment très populaire. Non, c'est Facebook. Ça doit être Facebook, oui. C'est ça. Évidemment. Pour voir les photos des petits, ben, savoir comment ils vont. C'est rendu qu'il y a plus d'adultes sur Facebook que de jeunes, donc ça fait un contenu différent. Qu'on a déjà vu ailleurs, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, les baby boomers qui passent en moyenne combien d'heures sur Internet par semaine, selon toi? Les baby boomers? Hors travail, j'imagine? Oui. Pas tant que ça, moi, je dirais. Est-ce que, Mathieu, guide-moi un peu, est-ce que c'est plus qu'on pense? Je sais pas, ça dépend vraiment de ce que tu penses. Okay, non, mais moi, j'aurais dit... 12 heures. 19 heures. Oh, j'étais dans la dizaine. Ouais, c'est dans la même dizaine. Ouais. À peine proche de la deuxième dizaine. Donc, c'est les heures qui passent sur Internet par semaine, ce qui est plus que la télé, la radio et les magazines et les journaux. On ouais, passe plus de temps sur Internet. C'est 3 heures par jour à peu près. Ouais. Environ. Oh, c'est beaucoup. C'est pas mal. Pas mal. Mais si ça dit pas s'ils font d'autres choses en même temps aussi. Ouais. C'est peut-être en train de regarder la TV en même temps qu'ils vont sur Internet. On sait que c'est de plus en plus populaire chez les adultes. Mm-hmm. Ce genre de choses-là. D'où le fait que TVA a des hashtags dans le coin tout le temps. Ouais. En 2012, une femme... qui n'a pas réalisé qu'elle était une personne recherchée à ce moment-là, donc qu'on la trouvait pas, les gens ne savaient pas où elle était. Elle s'est inscrite à la recherche pour se trouver elle-même. Ah! T'sais? Ben ça, c'est drôle, ça. Se chercher. Est-ce que je peux vous aider à... T'imagines à voir le sergent. Est-ce que je peux aider, tu sais? Là, le policier fait « Oui, oui, tu sais, il n'y a pas de problème, on va faire ça comme pour les recherches. » Mais lui, il s'est peut-être pas rendu compte que c'était elle. C'est t'imagines? Ça. T'imagines? Ah! Heureusement que c'est pas lui qui cherchait. Ah, puis on pourrait faire des mauvaises blagues sur des enfants recherchés, puis dire ce que son nom était, puis là, elle a signé son nom, puis c'était une enfant recherché qu'on connaît tous, mais on dira pas pour pas. Non, c'est ça. C'est ça. Au 16e siècle, quelqu'un qui s'habillait fancy, quelqu'un qui s'habillait bien, on l'appelait un prick-me-dainty. Prick-me-dainty. Prick-me-dainty. T'es donc bien prick-me-dainty. Ben oui. On dirait des pâtes prick-me-dainty. Tu les lances sur le mur, tu lances le gars bien habillé sur le mur. S'il colle, il est bien habillé. Ouais, s'il colle pas, ben tu vas t'acheter du linge. Les chiens guides sont entraînés, sont éduqués, sont élevés pour faire leurs besoins sur commande, sur demande, pour que leurs propriétaires qui ont des problèmes de vision, donc qui ne voient pas, puissent facilement nettoyer leurs dégâts. Donc c'est eux qui font signe aux chiens, fais ce que tu as à faire et puis ils peuvent ramasser le besoin. Okay. C'est une bonne idée quand même. Ouais. Selon l'égyptologue Salima Ikram, Toutankhamon, on connaît Toutankhamon de l'histoire égyptienne, est le seul Égyptien connu qui a été momifié avec un engin en érection. Ah! À l'époque, c'était pas commun de... Ah! Tu vois, tu me l'apprends par surprise. Je te Tant mieux pour lui. Oui. Les culottes pour hommes ont été inventées en 1935. À l'époque, une publicité dans un magazine, une publicité contemporaine, donc de l'époque, disait que c'était une suspension scientifique qui était utilisée dans ces bobettes-là. Et que ça rendait plus joyeux et t'étais au repos, donc t'étais plus calme et Ben oui. Avec ça, en 1935. Bien. Ça a du sens. Oui. Les boxeurs, le fling-flang. Fini que ça zigote à droite à gauche. Oui, moi, mais ça zigote. Les zigotos! Dans mes boxeurs. Ouais. Oui, en non, 2011... T'as quelque chose à rajouter, non, Mathieu? J'allais essayer de chanter des paroles sur la chanson des zigotos, puis il n'y a rien qui me venait. Attends, mais c'est les zigotos! Droite à gauche. À droite, dans mes culottes. On a connecté celle-là. Pas pire. Ouais. On est tight. En 2011, un coureur belge, Stefan Engels, a couru un marathon par jour à chaque jour pendant un an. Il a couvert une distance de 9 569 miles. Ben, il est fou. Donc, il va être vraiment en forme. Ouais, vraiment. Il devait avoir mal aux jambes après ça. Oui. Mais bon. Ça nous donne combien? Ça nous donne 16 093 kilomètres. Mm. 16 000 environ. Bravo. Le centre du soleil est tellement chaud qu'un morceau de soleil de la grosseur d'une tête d'aiguille donnerait assez de chaleur pour tuer une personne à 160 km de distance. Wow! Wow, c'est puissant, c'est violent. Oui, quand même. Mm. Imagine la personne qui tient la tête d'aiguille. Imagine. Youhou! C'est normal pour toi. Ouais, j'ai fait un drôle de bruit. Hein. C'est chaud. Tiens, il y a une industrie qui aide les étudiants à tricher pour avoir leur diplôme. Donc, dans le fond, ils font écrire des textes, comme tu es supposé l'écrire à l'école, mais ils font écrire ces textes-là par des professeurs qui n'ont pas d'emploi, donc des professeurs au chômage. Les étudiants se font pas attraper pour plagiat parce qu'évidemment, les travaux, les textes qui sont écrits sont nouveaux. Ben oui. Ils sont juste écrits par des professeurs qui n'ont plus de travail. Toute une industrie basée autour de ça, je sais pas ça. Ben non, moi non plus. Y a-tu un numéro de téléphone, mettons? Ben, j'ai pas ça, c'est un, malheureusement. Il y a un chat domestique, une sorte de chat domestique, le Savannah, qui ressemble à un petit léopard et se comporte comme un chien. Ils peuvent grandir, pousser jusqu'à temps qu'il y ait 40 livres de poids. Donc, ils peuvent sauter dans les airs à 8 pieds de hauteur. Et on peut leur montrer comment marcher avec une laisse et jouer à la balle, donc aller chercher des affaires. Mais ce sont des chats, c'est le Savannah. S-A-V-A-N-N-A-H. Comme le groupe. Comme le groupe Savannah. Ouais. Il n'y avait pas ça dans les palmarès? Savannah? Savannah? Oui. Ah, ça va pas. Non? Je me suis peut-être trompé. Ça va pas. Il y a une prison au Brésil qui permet à leurs criminels, assez criminels, prison, ça lui, assez criminels, de pédaler sur des vélos stationnaires, ce qui fournit de l'électricité à une ville juste à côté. Et tout ça en échange d'une sentence en prison un petit peu réduite. OK. Ils pédalent sur des vélos pour faire de l'électricité. Bonne idée. J'aime bien. Les sandwichs beurre d'arachide et confiture, oui, c'est ça. À l'origine, c'était quelque chose de très genre de luxe, si on veut, très luxueux. C'est seulement les gens de la classe la plus haute qui peuvent permettre des sandwichs, barres d'arachide et confiture. Mahatma Gandhi, d'accord, voyageait avec sa chèvre pour toujours avoir du lait frais. Oh. Du lait de chèvre, évidemment, il buvait du lait de chèvre. Oui. Mmh. Puis pour se réchauffer. C'est sûr. Vous voyez, il y a des choses qu'il peut faire avec sa chèvre, Gandhi, mais on n'a rien plus loin que ça. Arrêter, là. Hey. À l'époque où il jouait James Bond, en fait, Daniel Craig, c'est encore celui qui joue James Bond oui, en ce moment. En ce moment, oui. Donc, Daniel Craig a le privilège de pouvoir aller chercher n'importe quel Aston Martin à l'usine pour le reste de sa vie. Ouais. On lui a dit, tu peux venir chercher une Aston Martin quand tu veux. C'est un bel avantage à avoir, ça. Quand même, hein. Tu sais que certains modèles, on pourra en parler demain à la chronique auto, mais il me semble qu'ils sont interdits au Canada. Les Aston Martin? Certaines, oui. Certaines, non? Trop puissants. Oh, intéressant. Mais on confirmera demain. D'accord. Avec Jean-Samuel Guy. On lui demandera. Et les bonobos, une sorte de singe, partagent 99% de notre ADN. Ils sont plusieurs d'entre eux homosexuels et ont des relations sexuelles pour presque n'importe quelle raison. Donc, tout ce qui amène, tout ce qui les intéresse un petit peu, là, genre juste un petit intérêt minuscule, ça va finir par un contact sexuel pour les bonobos. Ah, wow! Ils sont... Ah, il fait beau aujourd'hui. Bang! Yeah! Ah, il fait mauvais aujourd'hui. Bang! C'est la Saint-Patrick. Bang! Bang! On est au mois de mars. Bang! Bang! La moitié du mois est faite. Ah, bang! Bang! Donc voilà pour c'est un fait. On a fait beaucoup, beaucoup de c'est un fait aujourd'hui. On a fait un fait. Bang! Bang! Ah, au retour tout à l'heure, oui. On va faire écoutons dans la chanson pour essayer de séparer un petit peu nos chroniques d'aujourd'hui. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de Pine Tarts. OK. Sur le palmarès anglophone. Elle est très bonne. C'est Stéphanie Paradis qui l'a découverte. Donc on la salue. Voici Young Summer parce que Colin, ben, l'été s'en vient. Bang! Bang! Oh. Bang! Ouais. Bang! Il joue de la guitare. Bang! Bang! La pochette est rose. Bang! Pam, pam. Pintards, bang! Bang! Young... Oh, wow! Hey! C'était quoi les chances? Ça, je suis rock. Young Summer. Au retour, écoutons maintenant la chanson. Tu vas devoir t'exercer un petit peu... Le cerveau? Le processus, le prospectus. Mm. Ouais. C'est l'assemblage requis dans 2 minutes. 2 minutes? Bang! Bang! Vous êtes dans la zone 89.1. Des fous dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. On est de retour à Assemblage requis. Bang! En ce lundi 17 mars 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, je m'appelle Jean-Philippe. Bang, Charbonneau. Jean-Philippe Charbagno. Charbagno. Charbang. Donne des Estelle, bango. Et où la salle de bang? Mathieu, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Non, j'ai... C'est faux. C'est le gâteau. La désinformation, de la misinformation, d'information. Mm-hmm. C'est de l'information. C'est, de... Voilà. C'est comme ininflammable. Oui. Parce que en espagnol, on pourrait te dire, on va te donner el gâteau. Un petit chat. Un petit chat. Ah, si seulement! Un petit chat! Un petit chat dans une boîte, puis faut pas que tu oublies de faire les trous pour qu'il respire. En espagnol, un chat, c'est gâteau, pour ceux qui suivent pas. Oui, c'est ça. Pour ceux qui ont pas suivi leur cours d'espagnol. J'essaie de faire une petite joke comme ça, de gâteau, petit chat. Ouais, est-ce que tu veux... c'est moi qui devais t'offrir un cadeau à la place. Tu sais, c'est ma fête, mais c'est moi qui t'offre un cadeau. Oui, mais c'est un cadeau empoisonné. Un cadeau en quart de porte. Voici, écoutons la don, la chanson... Non! Gâchis! Mm-hmm. C'est le chat, il a fait ses besoins partout. Écoutons la donc! Non, Minou! Minou, c'est Mathieu. Ah, merci. Aïe, j'ai malade. Ah, je suis épuisé. Je comprends plus ce qui se passe. Moi non plus. Arrêtons. Non, c'est pas vrai. Ah, on a réussi à tenir un silence. C'est écoutons-la dans la chanson, un petit quiz musical où je propose à Jean-Philippe trois chansons qui se ressemblent ou pas et tu dois trouver le thème qui les relie. Il y a quelque chose. Non, c'est un thème. Est-ce que c'est un indice, Mathieu? Un thème. Qui les relie. Ben, c'est tout le temps un thème. Là. C'est vrai. Ou un mot. Ou une image. Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, je te propose trois chansons. Plus tard dans le bloc, on va entendre Shampoing avec Richesse de la Flore. Il y a aussi Les Camionnettes. Mais avant ça, on débute avec Métatuc. Voici l'hymne au poilu. Tout de suite, Assemblage requis. Et tu dois deviner pendant les chansons, pense-y bien comme ça. Parfait. Métatuc, hymne au poilu. Ma barbe pique le cou de toutes mes chéries. Même pire, le serait indécent. Mon torse porté piqué. C'est très indécent. Ma barbe pique les joues de tous les enfants. Et même pire encore, je suis un loup-garou. Je suis un loup-garou. Je suis un loup-garou. Laissez-moi tranquille, insensibles imberbes. Cessez de vous moquer de ma toison. Sachez que je vais condamner tous mes poils de la tête aux pieds par électrocution. Barbe pique, ce magnétique, quand mes vêtements se touchent. Au parc aquatique, c'est dramatique, quand la pompe à l'eau se bouche, que les plaisanciers repartent bredouille, fourgon liberté à plonger dans la source. On a siphonné les gars d'une peau d'ours. Laissez-moi tranquille, insensibles imberbes. Cessez de vous moquer de ma toison. Sachez que je vais condamner tous mes poils de la tête aux pieds par électrocution. Au plus naturel. triste, c'est pathétique. Nous devant tous ces regards louches, le psychanalyste chauve me trouve. C'est venu qui se demande si j'hiberne, si je ronfle, si je mue. Est-ce que la nuit, ce pelage me démange? Bref, son diagnostic, je serais un ours en peluche. Laissez-moi tranquille, insensible, imberbe. Cessez de vous moquer de ma toison. Sachez que je vais condamner tous mes poils, de la tête aux pieds, par électrocution. Que le mot court les rues, qu'à une dame vétérinaire j'ai plu. Semble-t-il qu'elle serait amoureuse de velours. Elle espérait passer des hivers moins lourds. J'accourais grand Dieu chantant l'une à l'amour, lui offrir mon cœur et ma chaude patour. Dors, dors ma chérie, dors. Dors, dors ma chérie, dors. Laissez-moi tranquille, imbéciles, imberbes, cessez de convoiter ma toison. Sachez qu'à présent, je conserverai tous mes poils, de la tête aux pieds. Poils au menton! Bonsoir le printemps, les frais n'est pas sorti. Vous me trouvez bien rempli. Et quand le soleil sort, puis que les beaux jours vont éclore, enfin pourront me torcher à même les richesses de la flore. Parlez-moi en dans les paniers, dans le sud au moins on croit pour se torcher. Je me suis j'ai l'hiver, assis seulement au fer. Moi toujours m'en rappeler au chagriné. Du pays d'Adirondax, il y avait du lichen qui restait pris dans le crack. Par les cuisins dans les paniers, dans ce long moyen de quoi pour se torcher. Je me suis vécu l'hiver, assis seul par le fait. Moi toujours m'en rappeler, on s'est gardé. Ton point. Oui. Les richesses de la flore. Shampoo. Shampoo. On est dans le bloc. Écoutons la chanson. C'est un petit quiz musical. Oui. Où Jean-Philippe doit définir le thème. Oui. Je commence à peut-être faire des liens. OK. Parce que tu m'as dit que tu me faisais un cadeau aussi. Donc, je me dis que tu m'as donné ces chansons-là. OK. Donc, on a eu Aime au poilu. Hein? J'ai des cheveux. T'as des cheveux, ça, c'est vrai. Oui. Souvent une barbe. Mais ouais. Là, je viens de la raser. C'est vrai, mais pas aujourd'hui, parce que là, t'es quand même, elle commence à pousser un petit peu. T'as peut-être un millimètre. Ouais, de... ben, je la rase jamais à zéro. Non, mais OK. Hier, ouais, je l'ai rasé. OK. Cool. Richesse de la flore, shampoing. Tu sais, je me dis. Tu sais, je me dis que. Je me dis que. Je vois pas vraiment ce que tu peux te dire. Ben là, non, c'est okay. Ça. Ben, mais, te connaissant, Mathieu, c'est trop facile. Trop facile. Ben, c'est dans le titre. Tu sais très bien que je vois les titres. Oui, j'y mets sur le site, oui. assemblagerequis.com. C'est moi qui y mets sur le canevas. Ouais. Donc, je me dis que tu vas être au courant que je vais passer par là. Donc, j'ai hâte d'entendre la prochaine. OK, ben, je te donne une dernière chance. Il te reste une chanson dans le bloc. Tu vas devoir évidemment déterminer la réponse finale. Tu dois barrer ta réponse tout à l'heure. Tu peux pas la changer après. Donc, voici le troisième extrait. C'est celui de Camionnette. Assemblage requis, c'est écoutons l'allon. La chanson. Mystère et boule de gomme. Cheveux longs de Camionnette dans le bloc. Écoutons-la dans la chanson où Jean-Philippe doit deviner le thème qui regroupe trois pièces ensemble. Est-ce qu'on fait un petit tour pour essayer de comprendre? On a commencé avec Métatuc et la chanson Hymne aux poilus sur leur album La foire aux primates. Oui. Ensuite, il y a eu Shampoing et Richesse de la flore sur l'album Les experts. Et on a terminé avec Les camionnettes et Cheveux longs sur l'album Jouer dans les arts. Oui. Donc, j'ai deux réponses, Mathieu, pour toi. J'ai la réponse évidente. Je sais que c'est pas ça que tu veux que je trouve. Là, peut-être qu'un jour, ça va être ça que tu vas vouloir peut-être, que je trouve. Peut-être que non, je sais pas. Moi. Donc, c'est ça. Il y a eu shampoing. Donc, shampoing, tu mets ça dans tes cheveux. Vrai. cheveux longs. Tu vois, tout de suite, shampoing, cheveux longs. Voilà. Puis, Métatuc. Donc, dans le fond, c'est mon processus matinal pour aller avant d'aller travailler. OK. Hein? Et, puis en plus, et mon poilu. Donc, c'est comme la finale. Genre. La finale, ouais, la note. Ouais, okay. Ouais. Donc, ça, c'est ton premier choix. Est-ce que tu barres ça ou t'as encore une autre théorie? Là? Oui, sauf que là, je viens de l'oublier. T'as oublié ton autre théorie? Oui. Oh non. Attends, on parlait... Ah, zut, j'étais vraiment content. Prends des notes. Oui, j'aurais dû prendre une note. Mais, OK. Métatuque, mon poilu, cheveux longs. Ça, c'est la fin. Merde. Et zut. Je m'en souviens plus. Zut. OK, bon, barre celle-là. Je barre celle-là. Et si je te donne la réponse que tu allais me donner, ben, tu gagneras 1 000 $. Puis je vais être honnête. Je vais être honnête. Parfait. Non, c'est évidemment pas les cheveux, ça serait trop facile, poilu, shampoing et cheveux longs. Là. Non, en fait, c'est une question de... Bon, pour commencer, OK, bon, métatuque, tuque, une tuque de laine. Oui. Laine, c'est tricoté. OK. Tuque de laine, OK. Ensuite, t'as richesse de la flore. Flore, flore, un flore, ah, un foulard. Wow, OK. Un foulard que tu tricotes, évidemment. Ouais, ben okay. Oui. Et t'as joué dans les airs, l'album de Camionnette, joué dans les airs, c'est quoi du tricot? C'est pas jouer des baguettes dans les airs. Hein? Donc, c'est une question de... Foulard de tricot, man. Tricot, enfin de la programmation sur le tricot, assez fou. Oui. Depuis le temps qu'on en parle, quand est-ce qu'on aurait l'émission de tricot, c'est là, là. Ben oui. Puis même qu'il y a des gens qui annoncent qu'ils vendent de laine. De la laine, évidemment. Oui. Un commerce, évidemment. Oui. Qui annonce, c'est même assez fou. Ah, Mathieu, c'était pas ça. Non. C'était pas ça mon lien. C'était pas ça ton lien. Je l'ai pas retrouvé. Étrange quand même. Oui, quand même. Pourtant, tu sais, il me semble que ça sonne foulard. Ben, pourtant, j'aurais dû tout de suite comprendre. C'est le documentaire de forêt, la faune et la flore, c'est parce qu'il fait froid dehors l'hiver, les animaux doivent porter un petit flore. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Clair, hein? Ah. Voilà pour écouter la chanson. Est-ce que t'es fier de toi? Moi, je suis pas fier de toi. Oui, je suis pas fier du tout. Du tout. Pas fier du tout. J'ai allé dans un coin puis réfléchir. T'as tellement de potentiel. Mal exploité, tu sais. C'est mal exploité. Ben oui. Bon. Ben oui. Tout le temps la voix facile, tu sais. Tout le temps. Tu regardes les titres de chansons, tu dis, ben c'est ça le lien, Mathieu. En 2014, c'est rendu de même. Les jeunes, hein, les jeunes avec leur texto puis leur... leur craft dinner dans un pot, dans un petit plat de carton, tu mets de l'eau dedans. C'est trop facile, man. Tout, oui. C'est trop facile. Allez voir les chansons sur assemblagerequipe.com et faites-vous votre propre idée sur mon thème d'écoutons-la, donc la chanson. Toujours un plaisir. Toujours. Tiens, on va transitionner tout de suite parce qu'on a quand même entendu 3 chansons de suite. C'était bien le fun. Tout ça, on a eu le temps de relaxer un petit peu pendant ce bloc-là, même si toi, tu réfléchissais un petit peu trop, dans le mauvais sens, comme toujours. Mais bon, oui. Au moins, t'as essayé. Ça nous amène à une autre très longue chanson. C'est l'intro de son foutu palmarès. C'est son foutu palmarès, c'est la chronique où on établit une liste ou plusieurs listes sur différents sujets, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Et aujourd'hui, tu sais, on est le 17 mars. En effet, Mathieu. En effet, Guy. c'est la Saint-Patrick. Oui. La fête des Irlandais, bien sûr. Donc, tu sais, la Saint-Patrick, il y a plein de choses qu'on connaît de ça. On sait qu'il faut porter du verre, on sait qu'on boit de la bière. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pour ça que j'avais prévu mon polo vert ce matin. Ah non! Puis là, ben, il était pas sec. Il était pas sec, Mathieu. C'est vrai, les manches n'étaient pas sèches. Les manches n'étaient pas sèches. Mais hier, je me suis dit, je vais mettre mon polo vert. Ah, j'ai tout gâché. Je retourne chez nous, OK, Mathieu? C'est vraiment raté. Encore tant de potentiel gâché. T'as une chose à retenir, oui. C'est de mettre du vert à la Saint-Patrick. Là, je viens de me dire, JP, t'es à la radio. Personne ne sait que t'as mis ton polo noir. Tu l'as pas dit, personne ne l'aurait su. Mais j'aurais brisé le mythe, je l'aurais dit. Oui, merci, Mathieu. Je l'aurais dit. Je suis un stou. Un gars de confiance. Un stou. Donc, on va apprendre quelques affaires qu'on ne savait pas sur la Saint-Patrick. Évidemment, on n'a pas le choix. C'est des choses vraiment inévitables. Il faut les savoir pour argumenter un petit peu, alimenter vos discussions ce soir au bar. Oui, au bar. Sur le bar de bar. Donc, saviez-vous qu'à la Saint-Patrick, on devrait porter en fait du bleu? Parce que Saint-Patrick lui-même se serait fait pincer les fesses parce qu'il ne portait pas de vert. Sa couleur, c'était le bleu de Saint-Patrick. Donc, Saint-Patrick's Blue. Ah. Un bleu très pâle. La couleur verte a commencé à être associée à la journée de la Saint-Patrick seulement après son lien avec l'indépendance irlandaise, un mouvement qui est arrivé à la fin du 18e siècle. OK.

The Pack 80. Airborne. C'était toujours dans son foutu palmarès. Cette chanson-là, ça avait rien à voir avec rien, mais c'est pas grave, on aime ça de temps en temps. La musique dans le milieu d'un bloc. Oui. C'est le moment de passer à 15 secrets de productivité de la part d'écrivains prolifiques. Oui. On cherche tous comment mieux travailler. La semaine commence. Nous, on est lundi comme ça. Faut qu'on se motive un petit peu. Et comment se motiver quand on a un blocage, le syndrome de la page blanche? Donc, croyez ces personnes, ces grandes personnes qui ont accompli des choses dans leur vie et stimulez votre créativité. Peut-être pas autant qu'eux. Mais... Voltaire, qui sautait le dîner. Donc, à la place d'avoir un repas le midi, ce titan français s'empêchait de manger un dîner normal et à la place manger du chocolat et 40 tasses de café par jour. Ouais. Trouvais intense avec ton 5 à 10 tasses de café au début de l'automne. Oui, mais 5 à 10, c'est... Ouais, non. T'es rendu à combien? Moi, je suis moyenne de 3. C'est pas pire 3. Moi, je suis à 2. Je devrais monter à 3. Je me suis téléchargé et là, Jean-Philippe, on s'insère une chronique Tu manges mon cœur presque dans cette chronique sur Petit Palmarès. Est-ce que tu connais l'application Up Coffee? Non. C'est vraiment cool. Je te la montre en ce moment devant toi. OK. Bon, sur la première page, tu as des faits intéressants sur le café. Par exemple, le fait que les femmes métabolisent leur café plus rapidement que les hommes, sauf quand ils prennent la pilule, que la pilule, entre autres, va ralentir le processus d'un tiers environ. Tu as plein de faits intéressants sur le café. OK. Dans le prochain panneau, tu as juste un petit genre de contenant. Oui. Comment est-ce qu'on appelle ça déjà, ce contenant-là? Béchère. Béchère, tu vois. Exactement. Béchère. Et si, mettons, je vais faire ça. Ça va tout défaire mon système, là, mais vu que je vais aller me chercher un café tantôt après l'émission, je vais en ajouter un. Okay? Je vais appuyer sur le plus. Je vais choisir tasse de café. OK. Ou tu peux choisir, bon, du espresso. Coca-Cola, espresso. Ah, okay. Tu as des boissons gazeuses, tu as des affaires chez Starbucks. Donc, je vais acheter une tasse de café et tu vas voir le café tomber dans le béchère. Oh! OK? Et tu vois, en bas, il y a une petite ligne qui dit que tu es prêt pour être couché. C'est que plus tu bois de café, plus moins tu vas être prêt à être couché, évidemment. Ben oui. Et il y a une ligne en haut qui va dire que tu es wired, ça veut dire que tu es vraiment, vraiment en forme. Donc, plus tu ajoutes de café, plus ça va être long avant que ton béchard se vide et que tu sois prêt pour le sommeil. Okay? Je comprends. Et tu peux lui dire que tu veux être prêt pour être te coucher à 23 heures. Puis oui, OK. Et ça va te dire si tu vas être prêt à être couché pour la bonne heure. Okay? Ah, t'as un petit symbole, OK. C'est très cool. C'est très, très cool. Et tu as un graphique aussi. Donc, mettons qu'on va aller sur la journée d'aujourd'hui. La petite horloge apparaît et ça te dit où tu es dans ta journée. Et donc, ton niveau de caféine dans le corps, tu vois que même si j'ai pris juste un café là où il y a l'horloge... C'est correct. Je suis correct, mais le graphique me montre que je vais quand même avoir de la caféine dans le corps jusqu'à demain. Okay. Donc, le 18 mars, mon café reste encore dans mon corps. Ouh. Tu vois le graphique. Ah, ben oui. Et tu as évidemment des recettes de café que tu peux te mettre dedans. Tu peux te comparer à d'autres. Et tout ça, c'est vraiment cool. Ça s'appelle Up Coffee. Donc, c'est ce que Voltaire vous conseillerait probablement. Ouais. Ben ouais. Mais lui, avec 40 cafés, l'application, je pense qu'elle aurait buggé. Ben c'est ça. J'aimerais bien le tester avec 40 tasses de café, mais ça va défaire mon système. Ouais. Donc, je vais le laisser aller avec mon beat à moi, mon rythme de vie. Donc ça, c'était le premier Voltaire qui mangeait du chocolat et qui buvait 40 tasses de café par jour. Donc, on continue le palmarès donc des gens et de leurs secrets de productivité à des auteurs célèbres. Edgar Allan Poe. Oui. Gras. Très sombre dans ce qu'il écrit. Il écrivait sous la supervision d'un chat, donc son chat Catherine, qui s'assoyait sur sa cuisse ou perché sur son épaule. C'est comme ça qu'il écrivait. Okay. Sir Walter Scott préférait écrire en mouvement, donc souvent pendant qu'il faisait du cheval. Donc il se faisait conduire, j'imagine, en carriole, comment on appelle ça? En calèche. Donc c'est comme ça qu'il écrivait. Ensuite, certains comptent leurs mots. Anthony Trollope avait un but, 250 mots à chaque 15 minutes. Donc lui, il clenchait ça. Ah oui, la pression, ça. C'est quand même... je sais pas si ça lui a provoqué une attaque cardiaque à un moment donné d'être aussi stressé par lui-même. Victor Hugo, qui restait à la maison, c'était sa règle. Il ne sortait pas de la maison. C'est comme ça qu'il écrit Le Bossu de Notre-Dame. Même qu'il barrait ses vêtements, donc dans un garde-robe avec une clé qu'il avait pas, pour ne pas être tenté de s'habiller et de sortir de chez lui. Mais Hugo n'était pas nu. Par contre, il portait le même vêtement gris pendant des mois et des mois de suite. Donc, c'est comme ça qu'il écrivait. Mmh. Comme plusieurs, Charles Dickens, maintenant, lui, travaillait pendant qu'il voyageait. Mais il ne pouvait pas le faire sans ses petites statuettes de bronze. Donc, des statuettes, il y en avait 5, d'animaux de bronze. Okay. Un couteau à papier, donc pour ouvrir des enveloppes. Un vase vert. Un calendrier de bureau. De l'encre bleue. Donc, tout ça, c'est ce qu'il apportait avec lui pour écrire. Bon. Dickens, d'ailleurs, qui insistait, il devait utiliser une certaine sorte d'encre bleue. Il était pas attaché à cette couleur-là, c'est juste que cette sorte de, ça d'encre écrivait bien. Non, ça séchait plus vite. Ah, bon, ouais, j'aurais dû y penser. Ça faisait pas de gros... de gros barbouillis. Barbouillis. Je sais pas s'il était gaucher en plus, ça devait empirer les choses. Donc ça, c'est Dickens qui utilisait l'encre parce qu'elle séchait plus rapidement, alors que de son côté, Lewis Carroll écrivait en mauve. Donc, il écrivait ses manuscrits, oui, de la même encre mauve qui était nécessaire pour mettre les notes sur les examens de mathématiques de ses étudiants au collège Christ Church College de Oxford. Okay. Donc, de cette façon-là, il n'avait pas à changer de crayon entre quand il mettait les notes sur les examens et quand il écrivait. Puis, en plus, il pouvait se faire payer ses crayons par la commission scolaire. Oui! Du chemin du roi. Oui! Les trois mousquetaires, sur le bureau d'Alexandre Dumas, avaient été plutôt des piles de papiers de couleur, des papiers avec un code couleur. Donc, évidemment, c'est lui qui avait écrit Les Trois Mousquetaires, mais il y avait aussi des codes couleurs. Donc, rose pour ses articles, bleu pour sa fiction et jaune pour la poésie. Ah, ben! D'Alexandre Dumas. Jaune. C'est pâle. C'est du papier jaune, c'est pas l'encre au moins. Ouais. Parce que du papier jaune et de l'encre jaune, ça serait... Herman Melville, tiens, il avait besoin de pause pour revitaliser son jus créatif. Donc, il travaillait sur sa ferme de 160 acres. Tout simplement. Pour se relaxer et se repomper. John Milton a passé les 20 dernières années de sa vie aveugle. Il n'était pas capable de voir, mais ça ralentissait pas ses œuvres. Donc, il a commencé à écrire de la poésie dans sa tête. Dans le fond, à chaque matin, il commençait à écrire de la poésie dans sa tête à 5h du matin. Et il y a quelqu'un qui venait l'aider à 7h du matin. Il prenait une dictée. OK. Donc, ses idées sortaient de son cerveau, de sa tête, à 5h du matin et sur papier à 7h. Lorsque son deadline, son heure limite pour le livre The Gambler arrivait, Fyodor Dostoevsky a engagé une sténographe, Anna Grigorievna Snitkina, en 1856. Les deux ont fini le roman après un mois environ et ils se sont mariés un an plus tard. OK. C'est la personne qui écrivait ses œuvres. Oh, c'est beau. Alors, ça, c'est une belle histoire. On devrait faire un film. Ça ferait un très bon film. Proust, on dit Proust? Je pense. Donc, qui a changé son espace, en fait, sa chambre à coucher en espace de travail, un genre de cocon. Il couvrait ses fenêtres de toile très, très foncées, des rideaux très foncés. Et puis, il mettait du liège sur ses murs pour empêcher le son de sortir ou d'entrer. Donc, il bloquait le son et la lumière. C'était une nécessité parce que lui, il préférait dormir toute la journée et écrire toute la nuit. OK. La vie à l'envers. Ben oui. Pour Proust. Un nocturne. Voilà. Ne stimulait l'écrivain Friedrich Schiller comme l'odeur des pommes pourrites. Oh. Pommes pourries, comme on dit, pommes pourries. Pourri. Mais comme on dit l'expression, pommes pourrites. Pommes pourrites. C'est aussi joli. Ça a l'air aucune classe. Mais bon. Donc, il y avait un tiroir rempli de pommes pourries dans son bureau. Il aimait ça. L'odeur des pommes pourries. Pourquoi pas. Aussi, il trempait ses pieds dans de l'eau glacée pour rester en forme. De l'eau glacée, des pommes pourries. Ouais. Un duo d'enfer. Vraiment. Et finalement, l'Écossais James Boswell, qui écrivait très bien apparemment, mais il n'était pas très bon pour se lever le matin. Donc, pour résoudre ce problème-là, il a construit un lit qui allait... Il a fait un design, il a dessiné un lit qui allait le lever physiquement et le mettre par terre. Il n'a jamais réussi à le construire, finalement. Oh. Donc, à la place, des serviteurs qui ont engagé pour venir le lever. OK. C'est pas vrai. James Boswell... Et Boswell. Et comme on Boswell. Dit. C'est comme ça que ça a commencé. Eh oui. Et Boswell, pas pourri. J'arrive pas à me lever, Boswell. Donc voilà pour le top 15 des secrets de productivité des auteurs et écrivains célèbres. Très cool. À part la mauvaise traduction de pomme pourrie, c'était pas si pire. voilà pour son foutu palmarès. On fait ça quand on a le temps, une fois de temps en temps, à l'assemblage requis. Et c'est tout pour aujourd'hui. Ah. Oui, c'est tout pour notre émission d'aujourd'hui aussi. C'était-tu rempli comme émission, ça? Hein? Mais quand même, ça passait les deux doigts dans le nez. Les deux doigts dans le nez. Ouais. Seulement, j'avais pu animer les deux doigts. À la vitesse des deux doigts dans le nez. Ouais. Voilà. on remercie encore une fois personne d'avoir participé à l'émission d'aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive une fois de temps en temps. Je te remercie, toi, Jean-Philippe. Je te remercie, toi, Mathieu. Joyeux anniversaire encore. Merci beaucoup. J'avais peut-être prévu une chanson pour toi. Tu veux t'essayer? Si tu veux. Je te laisse la place. Il faudrait que je te l'envoie. Non, c'est une chanson. C'est pas moi qui l'ai écrite. OK, ben envoie-la moi. Ouais. Sur quoi? Sur ce qui te tente, là, Facebook, ça va plus rapidement? Envoie-la par Facebook, oui, ça devrait être plus rapide. Pendant que moi, je vous dis que demain à l'émission, on va avoir Jean-Samuel Gué qui va être des nôtres pour parler de voitures dans son segment PRNDS. Ensuite, Marie-Laurence Audet va nous parler de loisirs parce que le loisir, c'est bien plus qu'un jeu. Et Alexandra Carignan va élever notre niveau de culture avec le temps d'une culture. C'est demain à l'émission Assemblage Requis entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Oui, je sais pas pourquoi j'envoie ça, en fait. C'est que j'ai un ami qui m'a mis ça sur ma page Facebook hier soir. Okay. Et puis, c'est une chanson pour la vingtaine, mais tu sais, c'est pour que tu restes jeune en dedans. Mathieu. OK, merci. Mais j'arrive à la trentaine quand même, on va se le dire. Oui, c'est ça. Ouais. C'est pas dépassé. En fait, ouais, je pense que je suis à 31 ans, mais je te dirais que je suis pas ben ça souvent. Mon âge. Mais c'est, écoute, on n'est pas obligé de la mettre au complet. Okay. Je suis pas vraiment à l'aise, même à l'aise, cette chanson-là. Tu veux pas vraiment t'associer à ça, hein, c'est ça? Non! C'est quoi ça? OK. Mais écoute, c'est plein de jeux de mots, c'est génial. OK, on se quitte là-dessus. Vous en rirez en ronde. Peut-être qu'on laissera les micros allumés. À demain, Jean-Philippe. À demain, Mathieu. Bonne journée. C'est Marc Drouin. Le monde, la tête en bas. De 1997. Dans un ascenseur 87. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé le sens de ma vie, qui est le sens d'humour et qui va par là. C'est Vie ta vinaigrette. Bonne journée. Avoue que ça semble... C'est dans ces années-là. Là. C'est de l'air à clip, pas mal. Ouais. Ça remarque-tu? Parce que si tu penses que je la jouerai pas au complet, tu te trompes. Hier, j'ai arrêté après 1 minute 30, je pense. Et que t'es pas persévérant. Des fois, je vis des bas, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Des fois, je vis des hauts, des fois, je vis des bas, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Aïe, aïe. Quand je suis né, j'ai pleuré. Quelqu'un venait couper le cordon de mon Walkman. Ensuite, on m'a donné une claque sur les fesses et on m'a demandé, fumeur ou non-fumeur? Des fois, je vis des hauts, des fois, je vis des bas, mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Des coups de pied dans l'eau, pourquoi? Ouais, mais attends, tantôt, il va neiger. Okay. Il va nager. Est-ce que tu postes la vidéo sur Facebook? Ah oui, certainement, certainement. Vite ta vinaigrette, là, comment? C'est classique. Mais la plupart du temps, je vis ma vinaigrette. Un jour dans la télé, depuis ce temps-là, je bande dessinée. Quand j'ai envie d'un peu d'action, je pitonne tous les boutons de ma télévision. Je vis tous les vices de Miami. Les rimes. De temps en temps, je me trompe de canal. Je retombe à Montréal à ma petite vie normale. Les donne des coups de poing à la place des coups de pied dans l'eau. Là. Il est fâché. Et le résultat, quand il chante pendant le refrain, il est dans l'eau jusqu'aux épaules, avec ses cheveux dans les airs. Mais il n'a pas l'air d'être en 87 avec ses cheveux dans les airs. C'est dans la mode de maintenant, ça. Là. Ben, c'est la mode qui revient, hein? Ben oui. Cyclique. Il se brasse la tête comme un chien pour se débarrasser de l'eau, c'est bon. Moi, le beat en arrière me fait capoter. On dirait qu'il nage des fois. Je sais pas. Ah, là, il donne des tapes, des petites tapes, des fessées. Il y a des coups de poing en même temps. Il y a des images qui bougent. Flip, flip, j'en ai les yeux tout rouges. Flip, flip, j'en ai les yeux tout rouges. Faut que j'aille travailler. Il fait le rythme de la batterie avec son poing. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, je sais pas si on est à la même place. Moi, j'ai nage, j'ai speed gelo partout. Faut vraiment qu'on ait un écran commun à nous deux. Ouais, faudrait. Faudrait qu'on puisse commenter des clips comme ça. Est-ce qu'on fait ça? On fait un genre de cliptoman, mais de mauvaises chansons. Des fois, j'ai des bas, mais la plupart du temps, je suis ma vinaigrette. Des fois, j'ai des hauts, des fois, j'ai des bas. Ah! On le voit nager à l'arrière-plan coloré orange et on voit sa face dans un cercle. C'est la fin, dans le milieu. Wow. Vite à vinaigrette. Je vis ma vinaigrette. À demain, Jean-Philippe. Je m'excuse de t'avoir fait finir là-dessus. Je te pardonne.